j'ai les têtes de leur uniforme coquin, leur moustache et leur humeur. J'ai les têtes de leur coeur. Ah, mais oui, tout me plaît. J'ai les têtes de leur uniforme, leur moustache et leur humeur.Oui, j'aime les Thank you.

de preste qui passe les buissons pied l'est en chantant sa chanson et qu'il vente ou qu'il neige moi-même chaque soir que Comment savoir quels

divin, ardente flamme, Vénus Adonis, gloire à vous, le feu brûlant, vos folles âmes, hélas, feu. Et s'il peut me tenir rigard, calse par l'âme, y en a pas sûr pour les galets, le petit boulotte, dès qu'il s'agit pas d'y voler, y en a pas sûr pour les galets, le petit boulotte, dès qu'il s'agit pas d'y voler, y en a pas, y en a pas.Oh, no. suis Alsacienne. Je suis Alsacienne. Quand une Alsacienne. Tout pas Alsacienne. La main dans la sienne. Chante en le rire. Top-t-il Alsacienne. Top-t-il Alsacienne. Juhé, das Leben ist doch eine Freude. Juhé, das Leben ist doch ein Plaisir. Juhé, das Leben ist doch eine Freude. Juhé, das Leben ist doch ein Plaisir. Je suis Alsacienne. Quand une Alsacienne. Tout fin Alsacienne. Je suis Alsacienne. Je suis Alsacienne. Mon sang est de vieux Alsacienne. Vivez nos balades, nos vieilles chansons. Nos folles gambades dans nos fricassons. C'est dans nos familles qu'on voit du merci. Je dois croire ainsi. C'est dans nos ménages qu'on voit de tout temps. Dès sur le ménage de notre enfant. Oui, dans nos ménages qu'on voit de tout temps. Oui, dans nos ménages d'un fort. Qui, comme père et mère, chante d'une voix fière. Qui, comme père et mère, chante d'une voix fière. Pourquoi ce nuage sur le front attristé, attristé.